moi le rap ça commence par l'écriture. Ensuite t'entends l'instru et là ta tête fait les figures. On n'est pas les plus à plaindre mais bon, partout c'est dur. Si pour toi j'ai une sale gueule c'est que la vie me défigure. Ce qui est sûr c'est que mon rap est le leur. Ne sont pas semblables, ça reste une armée sans les textes. C'est comme tirer sans les balles, percé par le hip-hop. Hey, c'est sonorité, si j'ai mauvaise haleine, c'est que ça pue. La sincérité engagée, parfois drôle, toujours en train d'écrire dans ma caisse. À force même les flics me connaissent, au point d'éviter les contrôles. Tu me croyais à bout de verre, mais je puise l'inspire dans ce qui m'entoure. De mon vécu, un rêve du bord de mer. Les autres inventent pourtant le rap, c'est pas un jeu de rôle. Mais bon, faut les comprendre, c'est pas facile quand t'as que deux neurones. À quoi bon viser la lune quand t'as pas les pieds sur terre, la fusée Ariane dans la nuit pour soigner les blessures de mes frères. C'est clair, pour moi c'est le rap ou la psychiatrie au cœur des cicatrices. Donc c'est dans la zik que j'opère. Au fait, faut faire l'amour et pas la guerre. J'suis venu draguer le beat, ça sent la partie de jambon l'air. Ceux qui se mettent sur ma route, je les envoie balader. De mon rap tu doutes, écoute et on en parle après. Si t'en as rien à foutre, pourquoi t'as pas zappé, mets le son en boucle. Ou s'il te plaît, fous-moi la paix. Ceux qui se mettent sur ma route, je les envoie balader. De mon rap tu doutes, écoute et on en parle après. Si t'en as rien à foutre, pourquoi t'as pas zappé, mets le son en boucle. Ou s'il te plaît, fous-moi la paix. Mon rap a une morale et des principes, car les jeunes nous écoutent plus que leurs instincts. Honorable, c'est pas à la haine qui l'incite. C'est pas la peine, je m'invite dans tes AirPods, je m'infiltre. J'y mets le fond et la forme, enfin, mais ils sont bien forts. Alors que les faux performent, je redouble d'efforts pour faire des sons forts. Posé dans le sofa, les tympansés niés par l'autotune. Je vais veiller à rester under, même sans vente aucune. Sans vendre mon cul au major ou au plus offrant. Le majeur dressé, l'industrie, tant pis, je l'offense. Fuck le rapiste, l'octogone, Booba, Caris. Battez-vous pour des causes à risque, la gorge aride. Car j'ai grandi sous le soleil du sud. La nuit je tape mes lignes en profitant du sommeil des sud. Crois pas que je débute, 15 ans passés depuis à la sauvette. Ici c'est Bell, toujours présent pour tirer la sonnette. Ceux qui se mettent sur ma route, je les envoie balader. De mon rap tu doutes, écoute et on en parle après. Si t'en as rien à foutre, pourquoi t'as pas zappé, mets le son en boucle. Ou s'il te plaît, fous-moi la paix. Ceux qui se mettent sur ma route, je les envoie balader. De mon rap tu doutes, écoute et on en parle après. Si t'en as rien à foutre, pourquoi t'as pas zappé, mets le son en boucle. Ou s'il te plaît, fous-moi la paix. Un moyen d'expression à l'heure où règne la censure, la manipulation, la peur. Voilà ce qu'on nous procure, il faut taire la résistance. Et ce, même dans le rap, parler de fric et de sap. Mais surtout pas de ceux qui mènent la danse. On parle masqué, ohé, ohé, ils veulent nous faire gober, gober. Que nos vies se résument à faire de la monnaie, monnaie. Je reconnais qu'on est volé et tous un peu paumés. On vit dans le faux et l'ego, donc y'a des femmes siliconées. Je rêve que les MC s'étouffe avec leur serrato. Je rappe depuis des piges, tu peux m'appeler le tricératops. C'est pas du grand public, non, ça reste authentique. Avoir le goût des gens, je veux mettre dans le business de coton-tige. Trop de petites flûtes dans le rap, il titube quand je frappe. Une voix aiguë, t'as zip pu, c'est vite vu. Moi je zappe dans le rap, je suis dans mon monde comme un toco dans un coffee shop. Appelle-moi Maya Labeo, car ça pique quand l'on s'y frotte.